Aujourd'hui, nous allons diffuser un débat qui s'est déroulé le samedi 2 juin dans le cadre du FRAP, le Festival des Résistances et des Alternatives à Paris. Ça s'est passé chez Martine dans le 20e arrondissement et le thème de la discussion était l'antipsychiatrie. La journée a été marquée par la diffusion d'un extrait du film « À l'ombre de la République » de Stéphane Mercurio, sorti en mars 2012. Le film parle du contrôle des libertés et des droits fondamentaux dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques. La projection a été suivie d'une discussion sur le film et le pouvoir médical avec des représentants de l'association Sans Remède, association qui lutte contre l'internement psychiatrique. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans ce film, c'est justement de montrer à quel point... en hôpital psychiatrique, on n'a même pas les droits des personnes qui sont en détention, qui sont déjà très maltraitées par définition et en pratique tous les jours. Mais là, c'est encore restreint. Et sinon, j'ai beaucoup apprécié aussi la liberté donnée aux patients à l'intérieur d'un service fermé. Ils ont vraiment l'impression de leur donner une liberté, alors que bon, en plus, je comprends pas comment on peut trouver logique. De laisser des personnes sans aucune activité, non seulement enfermées, mais sans aucune activité à l'intérieur, pendant des années et des années, pour les soyer. Comment elles vont se sentir mieux alors qu'il n'y a rien et qu'en plus, on leur interdit les visites, quoi. Les visites sont interdites aux personnes qui sont des prisonniers. On en a vu une presque... Une maison en prison, quoi. Voilà, ça fait partie... Voilà, ça fait partie de ta première réflexion. Quand ils sont transférés pour raison de soins en HO, enfin anciennement en HO, hein, parce que tout ça, ça n'existe plus depuis la loi de juillet 2011, en hospitalisation d'office, qui sont transférés de leur lieu de détention à l'hôpital là d'Evreux, ils sont dans des conditions encore plus dures que celles qu'ils connaissaient à l'intérieur de la détention. C'est-à-dire tous les petits droits... un peu misérables qu'ils avaient en tant que prisonniers dans leur centre de détention n'existent pratiquement plus. Plus de parloir, donc plus de droit de visite, plus de droit de téléphoner. En fait, ils sont confinés dans une cellule d'isolement dont ils sortent pas. C'est bien qu'en prison. Quelque part, oui. Donc, il faut faire attention aussi parce que une petite précision, c'est entre autres en se servant de ce constat-là comme d'un argument que ceux qui ont eu la brillante idée des UHSA sont appuyés pour promouvoir ces trucs-là qui sont de véritables saloperies. Une UHSA, c'est une unité hospitalière spécialement aménagée, c'est-à-dire... À l'intérieur d'un complexe psychiatrique, par exemple, comme il en existe encore beaucoup, hein, par exemple Sainte-Anne s'en est un, c'est-à-dire il y a un grand nombre de services psychiatriques qui sont concentrés sur une assez grande surface, avec des petits morceaux de parc pour faire joli, entre et tout, des arbres et tout. Et donc à l'intérieur d'un complexe comme ça, d'un centre hospitalier, l'UHSA, le principe, c'est de construire une unité spécifique qui, en fait, va être construite sur des critères de sécurité d'un établissement pénitentiaire. Donc c'est des grands murs, souvent ils sont surmontés de barbelés, au vinatier il y a des douves. Ouais, au cas où, pour complémenter le dispositif. Et en fait, c'est un lieu qui va être à l'intérieur, il va y avoir des soignants psychiatriques qui souvent sont recrutés en les piquant aux autres services voisins parce que le personnel ne se bouscule pas pour venir travailler dans ces endroits-là. Et en fait, ce type de structure est gardé par la pénitentiaire, c'est-à-dire à l'extérieur, il y a des matons qui contrôlent les entrées, les sorties, qui sont en permanence au poste d'entrée, qui avec des vitres blindées, des grilles et tout. Et en fait, le lieu est conçu pour accueillir des prisonniers. Et c'est un lieu spécifique, c'est-à-dire contrairement à l'UMD, Unité pour Malades Difficiles, qui est un hôpital civil, mais qui peut accueillir une population mixte, c'est-à-dire à la fois des prisonniers et à la fois des psychiatrisés normaux, si on peut dire ça comme ça, qui auraient posé trop de difficultés dans les services où ils étaient et dont le personnel se débarrasse, il faut dire ça comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en les envoyant dans un service beaucoup plus fermé, avec du personnel qui n'est plus la gentille petite infirmière, mais c'est plus baraqué, un peu costaud et tout. Et donc, contrairement à l'UMD, l'UHSA est exclusivement accueille, entre guillemets, exclusivement des prisonniers. Voilà, je referme la parenthèse parce que c'est tout ce qui est, c'est tout ce qu'on a prévu pour le prisonnier, c'est-à-dire qui a vraiment besoin de sortir du service, c'est-à-dire que les capacités de soins des gens qui travaillent, des personnels psychiatriques qui travaillent à l'intérieur de la détention, qui s'appelle le CMPR, ne suffisent pas. Et donc, quand il y a obligation de sortir le prisonnier de son lieu de détention, eh bien, il y a ce qu'on a vu là, ou alors des choses comme les UHSA, sauf que les UHSA, c'est, il n'y en existe que trois. La dernière vient d'ouvrir il y a très peu de temps à Nancy, l'AXU. Et pour un nombre de places très limité, parce que pour les plus grandes, c'est 60 personnes, sinon c'est 40, et que de toute façon, les besoins ne sont pas couverts par genre d'établissement. Genre d'établissement qu'on ne sait plus comment appeler, c'est une sorte de prison-hôpital, hôpital-prison, et c'est quand même pas rien, parce qu'on a beaucoup parlé de la psychiatrie, puis on continue à en parler, c'est quand même pas rien qu'un dispositif soignant accepte qu'à l'intérieur de ces murs, une unité soit construite, gardée par des matons qui, en fait, viennent en quelque sorte investir quelque part un espace censé être exclusivement un espace soignant. Sauf que ça n'a pas généré beaucoup de vagues chez les soignants, cette histoire-là. Au Vinatier, il y a eu quand même un mouvement contre l'ouverture de l'UHSA, mais la Cégep Santé Vinatier était très remontée contre l'UHSA, mais rien que pour ça n'a pas empêché son ouverture, et rien que pour la deuxième ouverture à Toulouse-Marchamps, il n'y a pratiquement pas eu de contestation, d'opposition, de... Voilà, enfin, je referme juste la parenthèse sur l'UHSA. Alors, moi, je dois dire, bon, moi, je suis Jean-Pascal, je suis l'interné de Loupian, là, à l'enchaîné, qui a fait 10 jours de... Comment ? Le déchaîné de Loupian, qui a fait 10 jours d'hospitalisation psychiatrique suite à une action environnementale, à une protestation. Ma copine a mis quand même 6 jours, hein, avant, on parlait des visites, hein, avant de pouvoir me rencontrer à l'intérieur du service. C'est-à-dire que je suis resté 6 jours complètement à l'isolement et qu'elle n'avait pas eu le droit, et sur faveur de la deuxième psychiatre, simplement au bout de 6 jours, hein, de me rencontrer. Et là, ils m'ont désintoxifié un tout petit peu pour que je sois présentable, parce que j'étais complètement, complètement shooté à mort, quoi. Donc, on parlait, parce que si tu veux, avant ton intervention, effectivement, sur un peu la carcialisation de la psychiatrie, on parlait du droit de l'accès, du droit de visite des personnes. Bon, en ce qui me concerne, sur une simple hospitalisation, je pourrais dire sous contrainte, suite à une action militante, ma compagne a mis 6 jours avant de me voir. Il n'y a pas d'explication juridique plausible, en dehors de l'application, effectivement, des modalités de la loi peut-être du 5 juillet de 2011, et puis et de la volonté d'un maire, de punitive d'un maire, ainsi que de la complicité des gendarmes. Et c'est la continuité, si tu veux, d'une dérive totalitaire au sein de l'arbitraire psychiatrique. Moi, j'en... Oui, je me suis exprimé. Ah oui, je me suis. Non, non, je me suis exprimé clairement comme militant à l'intérieur de la mairie à laquelle je m'étais enchaîné, et sur la base donc de la contestation du déclassement d'une zone Natura 2000, mais au sein même, lors de mon transfert à l'hôpital de la Colombière à Montpellier, je me suis aussi exprimé et positionné dès que je suis arrivé avec mon cadenas autour du cou. J'avais toujours pas enlevé. Ils n'avaient pas pu me l'enlever. Ils avaient juste tronçonné les barreaux de la protection du puits. je me suis positionné comme militant privé de liberté, mais pas comme malade en demande d'hospitalisation. Et j'ai été perçu comme tel par ceux qui m'ont reçu en disant bah, « vous n'avez rien à foutre ici ». Oui, effectivement. Et ils m'ont quand même gardé la nuit. Et c'est le lendemain que tout s'est enchaîné dans une espèce de, déchaînement punitif, quoi, de la part d'un psychiatre, sur la volonté d'une seule personne, hein, quand même. Hein. Tout à l'heure, j'aurai la possibilité d'avoir la parole. On va peut-être continuer sur le débat relatif au film. Tout à l'heure, je discuterai avec André Bitton sur justement la. J'aurai un espace de parole. Je ne veux pas confisquer cette possibilité. Je suis désolé, moi en fait, ça peut me gêner aux entournures, en fait, cette distinction de on se fait enfermer parce qu'on a fait une action ou on se fait enfermer. Bah, comme ça, si à un moment on se fait enfermer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de trucs qui nous dérangent. Et dans ce cas-là, on agit parce qu'on agit tout seul, on agit, c'est pas dans le cadre d'une action militante marquée sur un papier où il y avait du monde et tout ça. Mais il y a quand même un dénominateur commun pour tous les gens qui sont hospitalisés. Enfin, pour, en tout cas, beaucoup de gens que j'ai eu l'occasion de croiser, qui est celui d'une société qui nous étouffe et d'une réaction à ça. La distinction entre gens qui se sont fait choper sur une action militante dans la rue parce qu'ils étaient en décompensation, je crois que je la refuse pas mal. C'est peut-être des débats à reprendre, c'est peut-être des choses aussi qui ont déjà été faites aussi. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que on puisse dire à un moment, je me suis fait enfermer parce qu'on est dans un système fasciste. C'est le cas tout le temps. C'est pas parce qu'on a fait un truc militant ou qu'on n'en a pas fait un. C'est, en plus, un truc militant, à partir de quel moment il l'est, en fait, militant ? Parce qu'on y est allé avec une association, avec une bande de potes, c'est pas imaginable, en fait, de réagir à un moment, genre tout seul, parce qu'on voit plus rien comme autre solution. Et quelque chose contre lequel on c'est pas quelque chose de précis, en fait c'est tout à fait sensible, en fait, de plus supporter tout le fonctionnement d'une ville quand on la voit tous les jours, quand tous les jours traverser une rue ça nous agresse, c'est un truc qui nous remplit au quotidien, quoi. Je crois que je le ressouligne Particulièrement parce qu'il y a un truc qui me gêne énormément dans le milieu militant, c'est le fait que quand on se fait enfermer en prison, qu'on prend une peine, fût-elle courte ou longue, peu importe, on a un peu acquis des lettres de noblesse, alors que l'hôpital psychiatrique, certainement pas, très certainement pas. Ça ne représente pas du tout quelque chose de... Oui, c'est clairement pas valorisant et c'est même carrément honteux. C'est quelque chose où, en général, ça se passe assez mal pour la suite. Donc je tenais à ressouligner ça. C'est peut-être parce que ça a déclenché ça, d'entendre mettre un cadre militant autour d'une raison pour laquelle on se fait enfermer. Pour moi, il y est toujours, ou en tout cas très très très régulièrement. Je voudrais répondre à ça, c'est que si on fait ce genre de journée, comme il y a les soirées au Rémouleur, etc., c'est justement parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas que c'est spécialement dévalorisant, hein, que justement montrer ce qui se passe déjà à l'intérieur et comment ça se passe. Bon, quand par exemple, là, tu vois des dizaines de gens qui ont été enfermés sur décret de préfecture alors qu'il n'y a pas de certificat médical, etc. Ça, c'est des choses, si tu veux. Je pense que c'est important que ça puisse être, que les gens puissent au maximum en être informés, justement pour se rendre compte que, tu vois, c'est pas du tout ce qu'on va dire de toi à l'extérieur, quoi. C'est pas ça, quoi, puisque c'est, tu vois. C'est-à-dire que de l'extérieur, bon, celui-là, il s'est fait enfermer, donc c'est un fou, etc., etc. Donc montrer ce qui se passe à l'intérieur, comment ça se passe et comment ça arrive à n'importe qui et comment après, effectivement, c'est l'enfermement qui va finir par te rendre, parce que tu étais des années à rien faire, etc., quoi, qui va finir par te démolir, et ben, ça permettra peut-être de faire comprendre à de plus en plus de gens que justement, ce n'est pas des malades qui sont là-dedans et que c'est peut-être autre chose qui est malade. Il y a aussi l'intoxication municipale qui joue, puisque dans mon cas, le maire, par voie de presse, quand des journalistes aussi indignés aussi par la situation posaient la question au maire de mon internement abusif, il disait de toute façon, il est très bien là où il est. Et il faisait, ouais, et il faisait courir le bruit dans le village que de toute façon... Non, aux copains, dans l'argumentaire, parce qu'il y a eu des occupations de mairie, enfin c'était très drôle, comme après, si tu veux, la mobilisation au niveau national, mais aussi au niveau local, c'est construite par des occupations de cette mairie et des demandes de délégation, des rencontres auprès du maire. Le maire disait, mais de toute façon, dans le village, j'ai une réputation de fou, qu'est-ce que vous voulez y faire? Il est fou. C'est, tu vois, donc on fait poursuivre. Tu parlais. C'est moins, effectivement, la folie, quand même, elle tabouise hein, toute et elle annihile, elle anéantit. Enfin, elle peut permettre d'anéantir une revendication, elle peut permettre d'anéantir une différence, elle peut permettre. C'est un beau justificatif et c'est différent, effectivement, de peut-être pour certains rebelles du passage en prison. Hein. Le passage en psychiatrie n'est pas équivalent du passage en prison dans l'image du rebelle. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Hein. Moi, je voudrais prendre la parole. Je débarque un petit peu dans le festival, mais je débarque depuis. J'ai fait un parcours depuis plusieurs années après un projet dans un quartier dit d'exclusion où je voulais faire une intervention vidéo avec les gens et en fait je me suis confrontée à plein d'obstacles sociaux de ce qu'appelait Attaque la fabrique de l'exclusion. Et suite à ça, je me suis intéressée de comment on pensait du point de vue des expressions créatrices et la place de l'expression créatrice en psychiatrie, comment c'est pensé par la psychanalyse, etc. Et là, j'arrive un peu et ça me donne envie de partager deux réflexions. Pour moi, ça, c'est j'ai surtout pas envie de me blaser devant ce genre de film. Pour moi, c'est quelque chose qui anime mon sang de façon très vive et je me dis si on doit risquer d'en passer par là au prix d'exprimer des idées politiques, il y a quelque chose que le droit n'a absolument pas. Ça me montre pour moi que le droit n'est absolument pas une voie de pacification ou d'expression, de création. Tous ces éléments-là ne sont pas possibles dans une société de droit. Donc je suis très radicale aujourd'hui par rapport à ça. C'est-à-dire que ça me rappelle quand j'étais en 86 étudiante et qu'on est sorti de nos universités pour défendre notre université. C'était contre l'université Coca-Cola, mais c'était avec encore l'illusion que le droit, qu'en défaisant une loi... on allait pouvoir lutter et conserver les valeurs qui nous animaient. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas en droit, mais j'ai rencontré quelqu'un qui... Je distribuais le texte de loi et on discutait les textes de loi. Et en fait, je me suis confrontée donc avec, très, très simplement, avec un étudiant en droit qui me disait « Mais vous avez rien compris, le droit, il est fait pour être détourné ». Donc il m'a interpellée et encore aujourd'hui, ça résonne cette phrase. Parce qu'effectivement, quand on voit dans ce lieu, dans ce film, qu'est-ce qui se passe sinon du détournement du droit? Dans ton exemple, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est sinon du détournement du droit? Donc finalement, une société de droit, c'est une société où ceux qui connaissent le droit le détournent. Ceux qui ont un certain pouvoir détournent le droit. Et on se retrouve que dans des situations comme ça. Et les autres sont dans l'illusion que le droit existe. Et on nous fait croire avec des petits règlements intérieurs dans les écoles qu'on éduque les gens à l'éducation civique et qu'ils vont aller voter. Donc voilà, pour moi, le constat qui est un constat de 25 ans, 30 ans d'expérience, d'essais, de tentatives dans les différents sens. Et donc, je pense que le droit, c'est pas un droit, la création, c'est un fait. Et un fait qu'on peut bafouer, qu'on peut empêcher dès le début de notre éducation et de notre société. Et que le chemin de pouvoir trouver les lieux où on peut continuer à créer et à être penseur-créateur, Et bien, c'est un chemin où il s'agit de ruser pour pas tomber dans ces endroits-là et essayer de montrer, comme vous le faites, je trouve, merci beaucoup d'organiser une journée comme ça. Parce qu'effectivement, quand on parle de ça à l'extérieur, enfin, les gens qui ne connaissent ni le militantisme vraiment, ni les problèmes psychiatriques, ni pour eux la prison c'est quelque chose de loin, bien, il n'y a pas moyen de faire passer ces idées-là. Par contre, avec un film comme ça, effectivement, là, on commence à pouvoir remettre en question la structure même de notre société. L'exclusion, c'est la structure même de notre société. La norme et l'exclusion, ça marche ensemble. Donc s'il y a des gens qui passent de l'autre côté, c'est bien pour permettre de confirmer ce qui est normal. Donc aujourd'hui, c'est la mode du normal, hein, jusqu'à quand ? Nous allons écouter la suite du débat sur l'antipsychiatrie qui s'est déroulé le samedi 2 juin chez Martine dans le cadre du FRAP. Je voudrais juste revenir sur un point qui peut-être a échappé dans le film à certaines personnes. À un certain moment, on voit une personne qui est donc enfermée dans un service fermé et qui est en hospitalisation libre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est donc le contrôleur fait référence à cette situation, et c'est là que la nana répond qu'ils ont le projet de construire cette unité fermée, sécurisée, à l'intérieur du service, où les personnes enfermées seraient libres à l'intérieur. Voilà. Mais c'est encore un détournement de la loi. Parce qu'une personne en hospitalisation libre, enfin l'ancienne formulation, donc avant la loi du 7 juillet 2011, n'a rien à faire dans un service fermé. Et sinon, peut-être la plus grosse illustration du contournement de la loi, mais dans leur esprit, ils n'ont pas la volonté de contourner la loi. Ils la contournent, c'est un moyen pour eux. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un moyen de quoi ? C'est un moyen d'exercer le plus possible, le plus pleinement possible, si on peut parler comme ça, leur pouvoir. Et c'est un pouvoir exclusif à l'intérieur des murs. Et effectivement, à l'intérieur des murs de l'HP, quelque part, indirectement, ils envoient ce message qu'ils se foutent de la loi. Ils n'en ont rien à cirer de la loi. C'est assez rigolo de voir le contrôleur qui se plonge dans les dossiers administratifs, et que la secrétaire est quand même un peu inquiète du fait qu'il va rester à farfouiller dans les dossiers, et quand il lui dit « mais vous pouvez disposer et tout », c'est un moment humoristique assez intéressant. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Presque en ouvrant par hasard le premier fichier, il a vu une pratique d'internement municipal, donc par le maire, sans certificat médical. Et quelque part, donc, il tourne quelques pages, il rouvre et il retombe sur une situation irrégulière. Et ça illustre quelque chose qui est que, en fait, cette loi, cette fameuse loi de juillet sur les la modification des hospitalisations sous contrainte qui ont été transformées. On a passé à la trappe le mot hospitalisation, on l'a remplacé par le mot soins au pluriel. C'est un espèce de tour de prestidigitation. Je ne sais plus ce que je voulais dire. oui, qu'en fait, cette loi a, entre autres, entériné des choses qui étaient des pratiques. Elle a, en quelque sorte, légalisé des pratiques. En inventant, par exemple, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, sans tiers. C'est-à-dire, on se retrouve avec... C'est quand même formidable au niveau de l'énoncé d'une loi. On se retrouve avec une sorte d'HDT, comme on disait, hospitalisation à la demande d'un tiers, sauf qu'il n'y a plus de tiers. C'est le maire ou le préfet qui peuvent très bien décider de l'hospitalisation. Donc, on contacte plus la famille, on ne fait plus appel à la famille. Au nom de quoi? Au nom de ce qui a été cité à un moment dans le film, qui s'appelle la notion de péril imminent. Donc, on déclare que vous représentez un péril imminent, soit pour les autres, soit pour vous. Et ça permet l'hospitalisation sous contrainte. Ce n'est pas une hospitalisation d'office. Ça peut très bien se passer sans que vous ayez commis... Ça rejoint un petit peu le cas de... Sans que vous ayez commis un acte répréhensible qui puisse... tu vois, soit un trouble à l'ordre public, ça peut être aussi aux demandes de la famille, par exemple, de la famille. Ah bah oui, mais là la famille, elle est, si c'est la famille qui fait la demande, elle est présente, donc ça va se transformer en HDT normal, c'est-à-dire que la personne, elle va là le cas de la référence au péril imminent, ça court-circuite la signature de la famille. Elle n'a même plus besoin de signer. À ce moment-là, elle est mise devant le fait accompli, elle est contactée par la suite. Ce qui est frappant, c'est aussi l'utilisation de la psychiatrie, finalement, comme instrument de soumission, quoi. C'est-à-dire que, dans le cas qu'il racontait tout à l'heure, où ils essaient de lui fermer sa gueule, quoi. Et bon, ça arrive quand même plein de fois. Et moi, je me rappelle une fois, j'avais été confrontée à une situation comme ça, où j'étais hospitalisée, donc en hospitalisation libre, et donc j'avais parlé avec quelqu'un, bon, qui m'a, en gros, dans la discussion comme ça, a réussi à me faire comprendre que peut-être c'était une bonne solution, etc. Puis je suis arrivée dans un truc fermé et tout, c'était l'horreur, je voulais partir, quoi. Et donc on a utilisé, les médecins ne voulaient pas me laisser partir, et donc, on utilisait la menace d'une hospitalisation donc par un tiers pour m'obliger à rester, en fait. Et comme moi, c'était un truc qui était absolument pas entendable pour moi, que quelqu'un d'autre puisse me dire que je devais rester là, quoi. Du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait patte blanche et puis j'ai attendu que ça passe, je suis restée tranquille. Et au bout d'un moment, quand t'as fait patte blanche, ça passe mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est un instrument pour te faire rentrer dans ce qu'on veut de toi, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il y a deux principes, quoi. Moi, j'ai vu aussi, donc, toujours avec un regard de l'auto-anthropologie, hein. Je suis partie prenante, c'est-à-dire je prends mes risques aussi, c'est ma propre vie, mais avec lequel je regarde par une écriture constante, qui permet d'avoir un regard sur ce qui se passe politique et réflexif. Et en fait, ce qu'on décrit là, ça existe déjà dans les systèmes, dans les centres sociaux avec les assistantes sociales. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, l'assistante sociale, vous y allez de votre plein gré. Vous pouvez y aller de votre plein gré et raconter votre vie. Le jour où il y a, pour une raison ou pour une autre, un retournement de situation, ça devient, tout ce que vous avez raconté peut se retourner contre vous. Donc, dès le centre social, cette logique-là, elle est en place. C'est-à-dire que vous ne savez pas à quel moment ça se retourne. Et normalement, la logique de ce retournement, elle est justement le principe de la loi. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'intérieur de la personne, il y a le respect de la loi ? Tu parles de soumission. Normalement, dans la logique théorique de ce qui sous-tend cette exclusion, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Donc on voit bien que tout ce qu'on en a dit, ce n'est pas cette logique-là. Ce que tu as dit sur l'assistance sociale, en fait, j'ai pas bien compris. Au moment d'une répression, genre la justice peut venir interroger centre social et c'est lui qui se retourne ou il peut de lui-même... Si l'action que l'assistante sociale te propose, tu ne l'acceptes pas, c'est comme ton histoire, à ce moment-là, elle en fait appel au juge. Et après, tu es passé de l'autre côté. En fait, je vais donner un élément de plus. En fait, ça s'est trouvé sur l'appel d'un voisin. Un appel sur une erreur, en fait, ça s'est trouvé sur une erreur, une voisine qui est gênée par du bruit, qui dénonce, le seul appel qui peut remuer quelqu'un, c'est appeler pour SOS danger pour l'enfance, finalement. Donc ça marche. Donc à ce moment-là, il y a tout un circuit qui se met en place qui est impossible à remettre en arrière. Même si c'est une erreur. Et donc, c'est des services où les personnes peuvent venir pour demander à des mois. Là, c'est une autre manière. Hein, mais demander un moment de l'aide parce qu'elles sont en difficulté avec leur enfant. Et voilà, donc ils peuvent venir demander de l'aide. Seulement, très souvent, ce qui se passe, en fin de compte, c'est que ces gens venant demander de l'aide deviennent des gens louches, quoi. Et en fait, ça se fait très souvent... Alors que, bon, je sais pas, les gens viennent demander de l'aide et finalement, leur enfant est placé par décision judiciaire, par exemple. Voilà, il y a des moments comme ça, quoi, c'est très souvent le cas. Les gens viennent demander de l'aide et se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils font cette démarche, où ils se font connaître par les services sociaux, eh ben, c'est pas du tout eux qui décideront du moment où ça s'arrêtera. Il y a de grandes chances pour que ça s'arrête pas. Il y a plus principe de la loi qui fait le principe logique. Donc... plus personne ne sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un psychiatre qui a fait une étude sur la prescription de médicaments dans le cadre de l'autisme. En fait, comme on ne sait pas ce que c'est que l'autisme, on prescrit des médicaments de façon un peu pragmatique. Donc, comme on ne sait pas ce que font vraiment ces médicaments, bon, je caricature un petit peu, mais il se trouve que dans la plupart des cas, les gens ne peuvent pas... Ils peuvent prescrire un médicament, mais ils ne l'enlèvent pas. Ils ne peuvent pas enlever la prescription. C'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter des médicaments sur médicaments. Et donc, il y a plein de cas où, en fait, les enfants vont se retrouver avec 3-4 médicaments parce qu'on n'a simplement pas su dire « on arrête ». On arrête une logique qu'on a mise en place. Donc il y a comme s'il n'y avait plus d'humains dans ces logiques-là. Peut-être pour recentrer un petit peu sur le film, moi je voulais savoir un petit peu quel était le travail un peu du contrôleur des libertés, tout ça, par rapport à cette question-là. Et est-ce que là, justement, par rapport à ce contrôleur des prisons, est-ce qu'il y a eu des avancées positives ou on est toujours au même point aujourd'hui ? Oh, c'est une question compliquée, ça. De la rue, se contente pas de visiter, il émet des avis. Donc il a émis des avis spécifiques par rapport au lieu de privation de liberté psychiatrique. Après, son travail, en quelque sorte, stricto sensu, son travail s'arrête là. Et il n'a pas le pouvoir de mettre en application certaines choses et de faire en sorte que les lois dont il voit le non-respect à l'intérieur des murs changent dans une direction ou dans une autre. Il émet des avis. André Bitton, président du CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, ancien président du GIA, le groupe Information Asile. Si le contrôleur général des lieux de privation de liberté a joué ces temps-ci un certain rôle en matière psychiatrique parce qu'il a visité et inspecté un certain nombre de structures. Le rôle le plus positif qu'il a été amené à jouer ces temps-ci, c'est suite à une inspection de l'IPP, l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, que ses services ont fait en juillet 2009. En juillet 2009, alors que l'association que je dirigeais alors, le GIA, était en train de gagner des procès extrêmement importants contre la préfecture de police de Paris pour contraindre la préfecture de police de Paris à introduire dans sa charte d'accueil de l'IPP, des personnes transférées à l'IPP, le droit d'accès à un avocat de son choix pour les personnes transférées dans la garde à vue psychiatrique préalable, l'espèce de mesure de rétention préalable d'un internement à l'IPP. Gain qu'on allait obtenir par le Conseil d'État en novembre 2009. Et donc l'inspection des services du contrôleur général des lieux de privation de liberté intervenait en juillet 2009. Moi, j'étais inspecté comme étant un des acteurs du terrain en tant que détenteur avec l'avocat avec qui on avait travaillé du dossier de procédure. Et l'IPP elle-même était inspectée. En début 2011, le rapport d'inspection des services du contrôleur général était rendu public. Un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la rue, signé de la rue pour ses services, était publié au journal officiel. On était en cours d'examen de la réforme de la loi du 27 juin 1990, qui a abouti le 5 juillet 2011 à la nouvelle loi sur l'hospitalisation psychiatrique. Et en cours de débat parlementaire, vu l'avis du contrôleur général, était adoptée une disposition législative où l'IPP devait, la préfecture de police de Paris devait, dans les 6 mois de la loi du 5 juillet 2011, remettre un bilan sur la requalification de l'IPP, qui devait cesser d'être un service préfectoral policier pour devenir un service hospitalier parmi d'autres, absorbé dans les structures hospitalières parisiennes, et en l'espèce dans les structures de la PHP. Bon, donc on voit que, alors là, c'est entré en cours de négociation. La préfecture de police de Paris rechigne à requalifier son endroit. Il y a des tractations pénibles entre la préfecture de police de Paris et la PHP, notamment l'Hôtel Dieu, le service des urgences médico-judiciaires de l'Hôtel Dieu. Mais on voit que là, il y a eu un avis du contrôleur général en matière psychiatrique qui a interféré avec un débat législatif et qui a fait bang. Il y a eu un certain nombre de visites d'inspection qu'ils ont menées, que les services du contrôleur général ont menées, notamment à Esquirol à Limoges, à l'hôpital psychiatrique Esquirol à Limoges, dans d'autres établissements, qui ont quand même amené à ce que les directions hospitalières soient interrogées sur leurs pratiques. Et régulièrement, les rapports annuels prêtent lieu à des bilans d'application qui sont rendus publics. Le fait que ce soit rendu public est extrêmement important. Et ce qui est important en matière psychiatrique, c'est que depuis l'instauration des services du contrôleur général des lieux de privation de liberté, le lieu de privation de liberté qui est l'hôpital psychiatrique est mis au même rang que les commissariats et les lieux de garde à vue, les prisons, les centres de rétention administrative, alors qu'avant, on pouvait dire, les établissements psychiatriques, on laisse ça de côté parce qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on sort du secret. On sort du secret, c'est extrêmement important. Donc je pense que le rôle que jouent là-dedans les contrôleurs généraux du service du contrôle général sont importants. Alors évidemment, ce sont des professionnels. Ce sont des psychiatres, des pêchés, ce sont des directeurs de prison, ce sont des attachés d'administration. Mais enfin, bon, l'un dans l'autre, ils ont un sens du service étatique et de l'éthique qui est quand même assez intéressant. Et on arrive, en tout cas, les internés, les familles d'internés peuvent déclencher des signalements écrits au service du contrôleur général et que ça déclenche des inspections, ce qui est déjà ça. Parce que quand dans un établissement psychiatrique qui dépasse les bornes, il y a une descente de contrôleur du service du contrôle général, ça quand même, ça fait réfléchir. Parce que, il faut noter que, bon, c'est pas de chance pour les gens qui l'ont mis en place, qui ont fait à l'époque, on peut appeler ça une erreur de casting. Ils sont tombés sur quelqu'un qui a choisi de faire son travail avec un sens éthique très développé. Et alors, c'est vrai qu'en quelque sorte, lui-même est prisonnier quelque part de sa fonction, même s'il essaie de repousser les limites de cette fonction. On le sait bien parce que bon, moi, je fais aussi partie de l'envolée. Et on sait très bien quel regard il a sur certaines choses, pas forcément un regard officiel, mais en tout cas, ça va aussi dans le bon sens. Donc, il répond, c'est-à-dire quand on écrit à son service, le courrier tombe pas dans un placard, dans une oubliette. Donc il répond, et c'est vraiment le courrier, la demande de la personne est prise en considération. Après, c'est suivi des faits, plus ou moins, dans un délai plus ou moins grand, parce que c'est une petite équipe. Et comme j'arrête pas de le rappeler, il y a 55 000 lieux potentiels de privation de liberté, donc qui seraient susceptibles de recevoir la visite de lui ou de son équipe. Et donc, ils sont limités par ce moyen-là. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à faire appel à lui, à signaler des dysfonctionnements, sans pour autant le prendre pour le Messie ou quelque chose de similaire. D'ailleurs, enfin, moi, je tiens à rajouter cela. Nous, on avait vu, pour le compte du GIA, on avait rencontré Jean-Marie Delarue en 2009, où je lui avais parlé du dossier IPP, qui était un dossier sensible, le dossier de l'infirmerie psychiatrique. Lui nous avait dit, en entretien, avec le trésorier de l'époque du GIA, qu'il était sensible à ces questions de respect des droits dans les enceintes psychiatriques, que ça lui posait problème, et que comme il était un ancien conseiller d'État, donc un ancien magistrat administratif, eh bien, il s'efforçait d'avoir en la matière un regard quasi juridictionnel. Donc, alors cela étant, on n'en est pas du tout à ce que ces services puissent être saisis d'abus et d'arbitraire. Là, quand il y a des pratiques abusives dans les institutions psychiatriques, il faut aller au procès. Il faut être clair, il faut aller au procès. Mais par contre, si on veut se faire entendre, ou alors il faut rédiger du témoignage, il faut dénoncer les situations, il faut faire de l'action médiatique, politique, il faut dénoncer. Mais par contre, si on entend signaler que dans un établissement, il y a une chaîne de dysfonctionnement général, d'ensemble, oui, ça, il ne faut pas hésiter. Les services du contrôleur général sont demandeurs de signalement. Ils ont besoin de signalement. Et ce qu'ils attendaient en 2009, moi, ils m'avaient fait marrer de la rue. Ils me disaient, nous, on attend des familles. Je lui dis, ah, bah oui, les familles, vous pouvez toujours attendre. Étant donné que c'est les demanderesses des internements, c'est sûr, vous pouvez toujours attendre. Hein? Moi, en tout cas, nous, quand on est saisi de personnes qui nous requièrent sur des problématiques d'abus et d'arbitraire psychiatrique, je dis aux personnes, si elles sont en état d'écrire, de faire des démarches, mais également de saisir par signalement le contrôleur général. Au cas où cette saisine soit effective. Moi, j'estime personnellement que l'instauration du contrôleur général a été un progrès en regard des autres institutions qui sont en place à travers l'Europe. Je pense au comité de prévention de la torture. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le comité européen de prévention de la torture est demandeur de signalement. C'est un organisme près de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils sont demandeurs de signalement. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Vous écoutez toujours l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Nous allons écouter la suite du débat sur l'antipsychiatrie qui s'est déroulé le samedi 2 juin chez Martine dans le cadre du FRAP. J'ai vu un documentaire, c'était Cache Investigation. Le début de l'émission, c'est Lise Lucette, en fait. C'est un reportage d'investigation. C'était sur la parapharmacie et comment ils vendaient des produits, donc le produit Merckx. Les produits où il y a eu des condamnations, en fait. Et c'était, par exemple, il y a des séquelles qui étaient très graves derrière, qui pouvaient entraîner la mort, en fait. Et c'était comment vendre, en fait, au maximum certains produits pharmaceutiques par des lobbying industriels, en fait. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez, en fait, si vous aviez vu cette émission et ce que vous en pensiez. Et c'est ces produits-là en question. Oui, je remercie de cette question parce qu'elle est intéressante. Elle porte sur l'abus de prescription, l'abus de vente et l'abus de prescription des médicaments psychotropes en France, hein, où la France est clairement un des premiers consommateurs occidentaux par tête de traitements psychiatriques. Je pense que, enfin, moi, je vous rassure sur un point. Si personnellement, je passais mon temps à rechercher les émissions dans tous les médias qui pourraient intéresser ce sujet, je vois pas comment je pourrais trouver le temps et l'énergie pour travailler sur les dossiers sur lesquels je travaille. Donc, non, j'ai pas regardé l'émission en question, mais je suis au courant de la problématique. Je pense que, on doit se battre en France les uns et les autres contre cette idéologie très médicaliste et qui fait des victimes parmi les gens, sur laquelle, quand on va voir un médecin, ce médecin doit faire une prescription et dans cette prescription, on doit avoir 5, 6, 7 traitements. Et quand on va voir un psy, le psychiatre, son premier réflexe, c'est de prescrire des médicaments. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette optique selon laquelle le malaise existentiel ou même la maladie mentale doit se traiter en première intention par les traitements, par les médicaments. Je pense que le médicament est une des modalités des prises en charge thérapeutiques et pas la modalité. Et il y a trop de médecins qui, par facilité, trop d'écoles de psychiatrie qui, par facilité, font de la prescription avant tout. Et ça dépasse même ce contexte-là parce que n'importe quel généraliste, et on n'est plus dans la spécialité de la psychiatrie, peut prescrire n'importe quel médicament psychotrope. C'est-à-dire sans en avoir la formation et en disant à la personne qui vient de trouver « Oui, il y a quelque chose qui va résoudre votre problème et tout, je vais vous prescrire ça, ça ira mieux. » Et hop, la consultation est terminée, la personne, elle se retrouve avec un traitement dont elle ne soupçonne pas les effets, etc., etc. Donc on est là au-delà du problème de la psychiatrie, ou peut-être pour dire autrement, on est toujours dans le problème de la psychiatrie, mais en essayant d'aborder la dimension de la réalité, qui est peut-être une dimension nouvelle par rapport aux années 60-70, c'est la façon dont la psychiatrie a diffusé dans l'ensemble de la société, la façon dont la société s'est médicalisée, pour reprendre un terme que Édouard Zarifian, qui était un psychopharmacologue, avait appelé de cette façon-là dans les années 90. C'était un des premiers à dénoncer ce qu'il appelait la médicalisation de l'existence, et depuis, ça a été largement repris et développé. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la psychiatrie est loin de s'exercer uniquement dans les murs de l'hôpital psychiatrique ou dans les murs des structures du secteur psychiatrique. Quand une personne qui est hospitalisée refuse ses traitements, elle est systématiquement considérée comme inapte à consentir. Est-ce que c'est le cas vraiment systématiquement, ou est-ce qu'il y a des cas où on peut refuser le traitement? Et par là même, on peut parler aussi des dispositions de la loi du 5 juillet 2011 sur ces sujets, si vous voulez bien. Alors oui, je remercie Denis de cette question. Alors on tombe sur la problématique sur laquelle on m'avait invité, à savoir la loi du 5 juillet 2011 qui régit actuellement les soins psychiatriques, et singulièrement les soins sans consentement, et qui a été adoptée suite à des débats houleux devant les deux chambres l'année dernière. Alors cette loi du 5 juillet 2011 a substitué à la notion d'hospitalisation psychiatrique la notion de soins. On ne parle plus légalement d'hospitalisation à la demande d'un tiers, mais de soins psychiatriques sur demande d'un tiers. On ne parle plus d'hospitalisation d'office, mais de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, etc., etc. Alors, moi, ce que je sais, c'est que, précisément, cette loi a eu pour objet, à légaliser, ce qu'on appelle la contrainte aux soins en ambulatoire, autrement dit, le fait qu'on puisse contraindre au traitement, aux médicaments, à se traiter, des gens en dehors de la contrainte des murs, indépendamment de la contrainte matérielle des murs. Et cette légalisation s'est appelée, dans l'actuel article L3211-2-1, les programmes de soins. Les soins sans consentement, c'est les programmes de soins. Savoir qu'on peut être hospitalisé à temps partiel, à temps complet, pardon, sous mesure de contraintes psychiatriques, mais on peut également être mis en dehors des murs, sous programme de soins, avec dans son programme de soins l'obligation de se rendre tel lieu, tel jour, telle heure dans un CMP, ou de rester à domicile tel jour, telle heure, où on recevra telle posologie. La posologie et le nom des médicaments ne doit pas être indiqué dans le programme de soins. Alors, je veux dire qu'à cet égard, nous avons mené au niveau du CRPA et anciennement du GIA un certain nombre d'actions politiques et de propagande, mais également d'actions juridiques pour essayer de faire déclarer non constitutionnel par le Conseil constitutionnel les programmes de soins. On a eu une décision, un délibéré du 20 avril dernier du Conseil constitutionnel sur une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, où le Conseil constitutionnel a invalidé deux articles de la loi du 5 juillet 2011 sur le traitement des demandes de levée d'hospitalisation complète, d'hospitalisation aux contraintes complètes des personnes médico-légales déclarées irresponsables judiciairement ou ayant eu des antécédents d'unité pour maladie difficile. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnel l'article de loi 3211-2-1 sur les programmes de soins en considérant, et là il y a vraiment une interprétation qui nous a laissé assez perplexe, en suivant cela l'argumentation du gouvernement d'ailleurs, en considérant qu'il n'était pas possible et il n'est pas légal de contraindre aux soins une personne qui subit un programme de soins. Les soins de ce programme de soins ne peuvent pas être contraints, quoi qu'ils soient obligatoires. Certes, on peut placer une personne sous soins obligatoires dehors, en dehors des murs, mais le soin du programme de soins ne peut pas être contraint. On ne peut pas contraindre physiquement la personne. C'est quoi, contrat et non obligatoire? Alors, ben justement, on rentre dans des chiadries, dans des constructions juridiques extrêmement hypothétiques, dont nous allons demander, puisqu'il va y avoir un nouveau passage au Parlement d'une réforme partielle, nous allons demander aux parlementaires que, par amendement, à des parlementaires qu'ils déposent un amendement de clarification du texte de loi, parce qu'on est rentré là dans des chiadries juridiques absolument épouvantables qui font que personne ne sait sur quel pied danser. Bon. Oui. Juste pour éclaircir, ça peut signifier que les soins à l'extérieur étant obligatoires, mais pas contraints, donc on ne va pas mettre en place un dispositif pour les contraindre à l'extérieur, mais on peut prendre la personne et la remettre à l'intérieur des murs et là exercer de façon contrainte le dit programme obligatoire à l'extérieur. Tout à fait. C'est tout à fait ce qu'a déclaré le Conseil constitutionnel, à savoir que si un patient, autrement dit, le Conseil constitutionnel a dit que les patients pouvaient de droit refuser les soins obligatoires des programmes de soins, mais qu'en cas d'inobservance et si les gens de l'équipe veulent exercer une contrainte pour de bon, ils doivent réinterner la personne. Et à ce moment-là, le réinternement à court avec la contrainte aux soins. Alors nous, on a considéré toutefois que la décision du Conseil constitutionnel amenait un mieux juridique, à savoir que pour la première fois en France, on a que dans une interprétation supérieure d'une Cour suprême, que les patients sous contrainte puissent refuser les soins. C'est déjà ça, mais nous avons commencé à faire des démarches dans ce sens auprès des parlementaires du Front de Gauche, qui sont en train de mettre sur pied une proposition de loi qui devrait être discutée en 2013 au Parlement. Nous demandons qu'à ce moment-là, ce titre-là, premièrement, soit introduit dans le texte de loi que les personnes sous contrainte aux soins puissent refuser les soins, que ce soit en toutes lettres dans la loi, Et deuxièmement, puisqu'il s'agit de soins obligatoires, eh bien que ces programmes de soins obligatoires soient sous contrôle judiciaire. Parce que ce que le Conseil constitutionnel a évité de statuer en déclarant constitutionnel les programmes de soins et en s'arc-boutant sur cette jurisprudence, sur cette conception des programmes de soins, à savoir qu'on pouvait, on pouvait les refuser et que c'est seulement dans le cas du réinternement que bon, les voies de recours étaient ouvertes. Le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré inconstitutionnel les programmes de soins et n'a pas donc dit qu'il était obligatoire que ces programmes de soins soient décidés par voie judiciaire avec l'ouverture de voies de recours. Nous, ce qu'on demande, c'est que la décision de placer une personne sous programme de soins obligatoire psychiatrique soit prise par un juge judiciaire, un juge du siège, avec ouverture de droit de recours, ouverture du débat contradictoire, constitution d'avocat, etc. Donc on en est là dans cette politique. En tout cas, une chose, je précise une chose, ce commence à se poser la question en France de savoir, ce qui ouvre des perspectives, est-ce que les personnes qui sont sous soins obligatoires en matière psychiatrique peuvent refuser les soins ? Or, pour nous, il est évident qu'on défend cette position. Les gens, face à des traitements destructeurs, doivent pouvoir refuser les traitements. Ça nous paraît élémentaire en regard des libertés individuelles. Quand vous parlez de soins, vous parlez de soins médicamenteux. Donc là, c'est un sous-entendu qui se place dans ces expressions de la loi, qui ne peuvent pas... Bon, donc moi, avant que vous arriviez, je me suis présentée comme ayant fait un parcours depuis une intervention artistique dans un quartier jusqu'à une formation médiation thérapeutique par des activités d'expression et de création. Et donc, je me suis présentée tout à l'heure donc, comme étant quelqu'un qui a fait un parcours depuis une intervention artistique dans un quartier dit politique de la ville. Et je me suis formée par la suite pour avoir des outils pour penser les obstacles qui se présentaient à ce genre d'action. Et donc jusqu'à pouvoir agir avec des interventions artistiques en milieu psychiatrique. Et donc jusqu'à présent, les interventions artistiques sont présentées comme de l'activité culturelle ou de l'occupationnel. Mais il existe effectivement du soin réel qui sont expérimentés par des psychiatres. Et qui considèrent que c'est de l'activité soignante. Les résultats sont sûrement plus probants qu'avec les médicaments, parce qu'on peut les expérimenter sur soi-même sans risque. donc ce qui est quand même déjà un principe de base, parce que si le législateur légifère sur des questions dont il ne connaît absolument rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu expérimenter les différents médicaments et les effets de ces médicaments. Je ne vois pas comment toutes ces questions, c'est-à-dire comment on peut dire que telle personne ou telle... dans quelles conditions on va pouvoir obliger quelqu'un, donc un internement, etc. C'est sur la dangerosité. La dangerosité, on a parlé tout à l'heure de péril, imminent. Et en fait, on est allé donc jusqu'à l'idée que le droit, en fait, c'était son absence de respect qui était le problème, le film qui a été présenté avant vous. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre ces questions-là, sachant que donc, la loi s'exprime dans un langage verbal et qu'en fait, il s'agit de traiter de questions qui sont de l'ordre du non-verbal? Je vous remercie de votre question et de votre positionnement qui permet de reprendre un peu des éléments clés de ce qui a amené à l'adoption de la loi du 5 juillet 2011. Il faut bien voir quels sont les lobbies en place qui ont amené à cette légalisation. L'UNAFAM, Union nationale des amis et familles de malades mentaux, très pro-médicaments, pro-camisolage chimique des malades. Le lobby de la psychiatrie biologique, Les partisans de la psychiatrie universitaire, qui sont des psychiatres tenants de la psychiatrie biologique, les tenants de l'application des neurosciences en matière psychiatrique, les tenants de la prévalence de la thérapie par chimiothérapie sur les autres thérapies, ce sont ces gens-là hein, qui ont fait groupe de pression. C'est les gens de la mission nationale d'appui en santé mentale qui a longuement été dirigée par Gérard Massé, qui a été interdit d'exercer par l'ordre des médecins par décision ordinale du 3 janvier dernier. C'est ces gens-là hein, qui ont amené la légalisation de la contrainte aux soins, et vous avez eu encore heureux une réaction assez forte d'un certain nombre de psychiatres et d'écoles de psychiatres psychanalystes à travers le collectif de 39 contre la nuit sécuritaire, qui quelques critiques qu'on puisse être par rapport à eux, et je comprends très bien qu'on ait des critiques par rapport à eux, ils ont eu quand même l'immense bénéfice de se mobiliser. Donc il faut bien voir dans quel type de rapport de force on est rentré pour que ça soit légalisé. Ce qui est bien évident, c'est que la loi du 5 juillet 2011 a introduit la notion de soins avec l'idée prévalente que ces soins, c'est les médicaments. Et ce qui pose problème. Il est tout à fait exact que ça pose un très grave problème. Cela étant, les décrets d'application de la loi du 5 juillet 2011 ont interdit que dans les programmes de soins établis par les établissements, le nom des médicaments et la posologie soient indiqués dans les programmes de soins. Et rien n'interdit qu'un psychiatre hospitalier de prescrire dans les programmes de soins obligatoires d'aller voir un art thérapeute, d'être dans un GEM ou de suivre une psychothérapie. Sauf que moi, je vais vous dire, je ne crois pas qu'on puisse contraindre une personne à une psychothérapie. Voilà. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Nous allons écouter la suite du débat sur l'antipsychiatrie qui s'est déroulé le samedi 2 juin chez Martine dans le cadre du FRAP. J'aimerais bien, en fait, si tu pouvais résumer quels sont les principaux points de la loi en dehors des programmes de soins, quels changements elle a apporté et quels sont les différents volets. Voilà. Je pense que ce serait intéressant pour tout le monde de bien comprendre tous les aspects de cette loi. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent. D'abord, moi, je croyais depuis jusqu'en 2011 qu'il y avait un principe juridique qui était justement constitutionnel et fondamental, qui était de dire que chaque patient, quels que soient ses problèmes de santé, avait droit de choisir librement et son médecin et ses traitements. Hein, ce qui est déjà très... Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est que tout spécialement par rapport justement au traitement médicamenteux en psychiatrie, l'information sur les effets est pratiquement inexistante. Après, moi, je vois pas si on décide de soins obligatoires, hein, et qu'on dit bon, on peut pas contraindre en extérieur, mais la solution, ça va être le chantage à l'internement. Je vois pas en quoi c'est un progrès, quoi. Alors oui, je remercie de la descente de ces questions qui sont très importantes. Tout d'abord, le résumé de la loi du 5 juillet 2011, oui, je vais le faire. Je vais répondre sur la question du libre choix du médecin et de la thérapie. La loi du 5 juillet 2011 a préservé dans son premier article le principe du libre choix du médecin et de l'équipe de secteur. De l'équipe de secteur, tant dans la sectorisation psychiatrique que de l'équipe extérieure. Sauf que, de la même manière que dans la loi du 27 juin 1990, quand une personne est sous contrainte, la pratique veut qu'elle n'a pas le choix. Si bien que ce choix, ce libre choix du secteur et de l'équipe de soins est théorique, il est dans la loi, mais il n'est pas appliqué. Alors maintenant, sur le libre choix, sur le libre choix de la thérapie, il faut bien voir que l'article 16.3 du Code civil qui régit le fait que les soins ne peuvent pas être imposés dans ce pays renvoie un certain nombre de cas d'exception. Ces cas d'exception sont fixés dans le Code de la santé publique, et parmi ces cas d'exception au libre choix, au consentement libre et éclairé sur les traitements, figure l'exception psychiatrique. Il y a toujours eu dans ce pays l'exception psychiatrique sur le consentement aux soins. Si une personne n'est psychiatriquement pas en état de consentir ou est estimée telle, on passe outre. Et c'est là que la contrainte aux soins psychiatriques rentre en jeu, malheureusement. Donc on voit que si le principe général médical en France, c'est que la personne doit librement consentir aux soins et doit être en état de donner un consentement libre et éclairé, il y a un certain nombre de grandes exceptions, l'exception d'urgence, l'exception d'invalidité de la capacité à consentir, le cas de la tutelle, etc., et l'exception psychiatrique. Donc de toutes les façons, ça reste continu. La loi du 5 juillet 2011 a aggravé cette exception. Elle a aggravé cette exception psychiatrique. C'est en cela que c'est une loi terrible, qui d'ailleurs a été combattue, et on a participé à la combattre bec et ongles. C'est une loi hygiéniste, sécuritaire, une loi dans laquelle on veut, en quelque sorte, dans ce pays, par le biais psychiatrique, faire le bien ou le prétendu bien de la personne, malgré elle, et malgré le droit commun, quoi, si vous voulez. C'est ça, c'est sûr que, bon... Alors, si vous voulez, d'autre part, sur le chantage à l'internement, il est évident que les programmes de soins tels qu'ils ont été constitutionnalisés par le Conseil constitutionnel le 20 avril dernier, c'est pas satisfaisant, et qu'on va continuer à se battre sur ce terrain, et puis on n'est pas les seuls. On va continuer la lutte sur ce terrain, parce que il y a les uns... Alors, on est partagé en deux tendances. Il y a, dans ceux qui contestent les programmes de soins, il y a deux grandes tendances. Certains psychiatres du collectif des 39 disent qu'il faut demander... point barre, l'abrogation des programmes de soins, leur abrogation tout court. Idéalement, oui, c'est ce qu'il faut faire, mais politiquement et législativement parlant, ce n'est pas opérationnel, ça ne passera pas. Parce que les programmes de soins ont fait, au plan législatif, un consensus entre les parlementaires de gauche et de droite. Or, le total des parlementaires de la gauche classique et de la droite classique va être hyper majoritaire, et ça va foutre en l'air toute possibilité de débat législatif sur cette question. Par contre, il y a des points sur lesquels on peut éventuellement avancer. C'est de dire que puisque la mise sous soins obligatoires, c'est une obligation, ce sont des soins obligatoires, c'est une contrainte aux soins, alors il faut ouvrir aux personnes concernées des voies de recours judiciaires, un contrôle possible, un contrôle du juge, un contrôle obligatoire du juge. Parce qu'en l'état actuel des choses, quand une personne est placée sous programme de soins, elle ne dispose que du recours facultatif. Il faut qu'elle saisisse elle-même, d'elle-même, de son propre chef, le juge des libertés de la détention afin de m'enlever. Bien, il n'est pas évident que, placé sous neuroleptique, vous ayez la force de saisir de vous-même un avocat, d'introduire des recours, etc. Il faut que le recours soit obligatoire, et il faut que l'assistance d'un avocat puisse être, d'un avocat compétent, pris sur liste, puisse être là à disposition. De même que dans les hôpitaux, nous, c'est ce qu'on prône, soit mis sur pied des permanences d'avocats et mise à disposition des personnes de confiance qui soit dans le sens des intérêts des patients, qui puissent être désignés par écrit par les patients et qui puissent faire le relais de ce que veut dire le patient qui est pris en étau sous les médicaments, sous les psychiatres, etc. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, quant à la loi du 5 juillet 2011, son résumé, je la résumerai d'une manière un peu, ça va paraître un peu bizarre. Vous avez eu deux choses qui sont interpolées. Vous avez eu le projet de réforme Bachelot de mai 2010 qui posait les jalons de ce qui est devenu la loi du 5 juillet, qui était un projet de réforme absolument terrifiant. Quand nous, on est tombé dessus en mai 2010, je ne sais pas si ceux qui sont restés mobilisés depuis longtemps sur ces terrains en ont eu peut-être écho, mais le premier projet de réforme Bachelot déposé à l'Assemblée nationale prévoyait toute facilité pour l'entrée sous soins sous contrainte. Toute facilité, avec une garde à vue, une espèce de garde à vue psychiatrique de 72 heures, sans aucune garantie, avec possibilité de contraindre aux soins la personne dans la garde à vue sanitaire, et après l'instauration très facilité, soit de programmes de soins autres que l'hospitalisation temps complet, sans aucune garantie, soit l'hospitalisation complète contrainte, sans aucune garantie, et de vives difficultés pour la sortie. De très vives difficultés. Il s'est trouvé que dans une affaire tierce en novembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité a été tranchée par le Conseil constitutionnel, qui, pour la première fois, a statué sur l'inconstitutionnalité de la loi du 27 juin 1990. Le Conseil constitutionnel a déclaré non constitutionnel le maintien de l'ancienne hospitalisation à la demande d'un tiers au-delà de 15 jours sans un contrôle judiciaire obligatoire, en disant que le contrôle judiciaire en faveur des libertés individuelles, pas pour décider une sanction psychiatrique, à titre de contrôle de la validité de la mesure psychiatrique privative de liberté, devait être opéré avant le délai de quinzaine pour que ce genre de mesure soit constitutionnelle. Cette décision du Conseil constitutionnel visait l'HDT et a donc rendu tout ce qui était HDT en cours inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel a différé l'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité au 1er août, compte tenu du projet de réforme qui était en place et qui allait entrer en discussion au Parlement à partir de la mi-mars 2011. En juin 2011, une deuxième QPC et tranché sur la chaux cette fois. Et le Conseil constitutionnel déclare que pour la chaux également, le maintien au-delà de 15 jours d'une chaux sans contrôle par un juge judiciaire et sans les procédures de recours pour l'interné, des procédures de recours obligatoires, est non constitutionnel. Le gouvernement est donc obligé de modifier son projet de réforme et d'instiller une dose de judiciarisation dans un nouveau texte qui va remplacer le précédent texte. Alors, si bien qu'il y a une lettre rectificative qui est prise par le gouvernement sous l'écriture des services techniques du ministre du Travail, du ministère du Travail et de la Santé, qui sort le 26 janvier 2011, qui reprend le projet de base Bachelot avec ses aspects terrifiants, mais qui instille cette fois non plus une vive simplification dans l'admission en soins sous contrainte, mais une complexification du fait que la personne reste dans les murs à temps complet. Alors, si bien que c'est finalement ça qui est adopté, la loi du 5 juillet 2011, c'est un projet de loi sécuritaire et hygiéniste percuté par des questions prioritaires de constitutionnalité qui en déglinguent la moitié de la logique. Alors, c'est une loi redoutablement compliquée qui contient des choses trappes et qui, en partie, est favorable aux droits des patients de par les décisions du Conseil constitutionnel. En partie seulement. La loi du 5 juillet 2011 a introduit un contrôle obligatoire par les juges des libertés de la détention avant le 15e jour des internements temps complet, si bien il a introduit une multiplication de certificats médicaux quand la personne reste dans les murs, si bien que les droits des internés sont déjà un peu plus garantis qu'ils ne l'étaient avant, les magistrats rentrent dans la danse, des avocats se sont mobilisés à travers nous, nos propres bases de jurisprudence, notamment à travers le pays. Il y a des barreaux qui fonctionnent très très mal là-dessus, d'autres fonctionnent bien parce que ces barreaux se sont développés autour d'avocats qui sont intéressés à la question. Nous, ce qu'on sait, au vu des résultats et des statistiques de la chancellerie, du ministère de la Justice, fin janvier, il y a eu sur à peu près 30 000 contrôles de plein droit, enfin contrôle obligatoire par les juges des libertés de la détention et contrôle facultatif, 30 000 contrôles en 6 mois, ce qui fait 60 000 annuels à peu près. Il y a eu 1 350 mains levées d'accordées, soit une perspective de 2 700 mains levées par an, alors qu'auparavant, avec nos moyens artisanaux, on avait 200 mains levées par an maximum, les uns les autres, à travers la France. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que la loi du 5 juillet 2011 vu les décisions du Conseil constitutionnel adoptées sous contrainte par le gouvernement et sa majorité qui n'en voulait pas. Le gouvernement, on a vu un truc hallucinant, le 22 juin 2011, on a vu le rapporteur UMP du projet de réforme Bachelot, Nora Béra, Guy Lefranc, fumaste contre la deuxième QPC du Conseil constitutionnel, protester à la tribune de l'Assemblée nationale, on a les actes sur le site de l'Assemblée nationale, en train de dire, vous comprenez, les magistrats constitutionnels, dont les décisions ont force, autorité de la chose jugée, le gouvernement doit s'y plier, nous contraignent à adopter, pour constitutionnaliser notre loi, à adopter des dispositions dont nous ne voulons pas. C'est stupéfiant. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. On avait eu ces espèces de salauds de la majorité du gouvernement qui voulaient nous infliger une loi parfaitement sécuritaire et parfaitement liberticide. On les avait eus par des procédures juridiques qui étaient passées les unes par la Cour de cassation, les autres par le Conseil d'État, transférées au Conseil constitutionnel et qui percutaient une partie de la logique de cette loi. On voyait également le député Blisco PS, député PS de Paris, qui était relativement impliqué, un petit peu comme ça, impliqué marginalement au soutien du collectif des 39, des psychiatres du collectif des 39, protestait lui aussi en disant « Mais comment on voit les magistrats constitutionnels faire irruption dans nos débats au Parlement et nous priver de nos prérogatives de parlementaires ?» Non, mais enfin, franchement, c'était marrant de voir ça. Donc, la loi du 5 juillet 2011, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Grâce aux jurisprudences que nous avons pu obtenir les uns et les autres dans nos différentes affaires, dans nos contentieux, cette loi est à la fois une loi répressive, une loi de contrainte aux soins et en même temps une loi qui permet aux internés de faire valoir leurs droits. Alors qu'auparavant, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc moi, j'estime, au vu de cela, qu'il y a, depuis la mise à effet de la loi du 5 juillet, le 1er août, il y a dans ce pays, au plan psychiatrique, un espoir qui est levé, à savoir que les personnes internées, les personnes sous contrainte aux soins psychiatriques, peuvent beaucoup plus facilement qu'avant se faire entendre. Alors cela étant, ce n'est pas si simple. Comme l'avait très bien analysé un certain nombre de syndicats de psychiatres, dont le SPH, le syndicat des psychiatres des hôpitaux, vous avez d'un côté un système psychiatrique de plus en plus carcéral, de plus en plus dur. Les hôpitaux psychiatriques sont de plus en plus réservés non pas aux services libres, non pas aux soins contractuels, mais à l'hospitalisation sans consentement, à l'hospitalisation dure. Vous avez dans la plupart des hôpitaux psychiatriques un renforcement du nombre de chambres d'isolement. Dans toutes les chambres d'isolement des établissements psychiatriques, vous avez désormais les dispositifs de contention. Vous avez pratiquement un établissement psychiatrique sur deux quand une personne est admise. La personne est admise à l'isolement et sous contention. Autrement dit, mise en chambre d'isolement et attachée sur son lit. Oui, en plus, c'est protocolisé. Donc vous avez d'un côté un système psychiatrique de plus en plus dur, de plus en plus répressif, de plus en plus médiqué, et de l'autre, une émergence du droit, la rentrée dans le dispositif des juges des libertés de la détention, qui sont des juges indépendants, qui sont des juges du siège, qui ne reçoivent pas d'instruction, et l'entrée en liste de dizaines et de dizaines de cabinets d'avocats intéressés par ce contentieux, qui se sont formés à travers nos différentes jurisprudences et qui, à travers la France, obtiennent des mains. Des mains donc des gens libérés. Alors beaucoup plus de gens libérés qu'il y en avait avant. Donc vous avez une dualité, un schéma en dualité, en complexité finalement, en dialectique. D'un côté, une hausse d'un système répressif majeur et de l'autre, une entrée du droit qui permet à de plus en plus de gens de se libérer et de se battre et de faire valoir leurs arguments. On va savoir s'il y a une jurisprudence par rapport aux effets justement néfastes des médicaments. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de contester en fait le bien, enfin, c'est-à-dire qu'on nous dit que les médicaments, bon, c'est bon pour le malade psychiatrique, soi-disant, mais est-ce qu'il y a des exemples où ça a été prouvé que ça ne l'était pas ? Alors, oui, je vous remercie de cette question parce que ça soulève des problèmes de droit très importants. La complexité du contentieux, du droit du contentieux de l'internement psychiatrique, du droit de la contrainte psychiatrique en France, a fait que jusqu'à présent, étant donné que la contrainte psychiatrique est sous le contentieux de la contrainte psychiatrique est sous dualité de compétences jusqu'au 1er janvier 2013, vous aviez d'un côté la juridiction judiciaire compétente sur le bien ou le mal fondé de l'internement et sur les dommages et intérêts, et de l'autre la juridiction administrative compétente sur les inégalités formelles pour censurer les décisions de mise sous contrainte psychiatrique au titre des inégalités de droit pur, si vous voulez. Si bien que jusqu'à présent, tout ce qui était, en tout cas dans le cadre de l'internement psychiatrique, hein, je ne parle pas dans le cadre des cliniques libres, du service libre, etc. Jusqu'à présent, les traitements psychiatriques n'ont pu être attaqués dans leur mal fondé qu'à travers l'attaque et la critique des modalités de l'internement psychiatrique dans le cadre desquelles les prescriptions se faisaient. Si bien qu'on a des jurisprudences dans lesquelles il y a d'annuler des internements qui sont également sanctionnés au plan indemnitaire parce que les procédures menées administratives ont été nulles et illégales. Et à l'intérieur de ce cadre annulé et indemnisé, des traitements psychiatriques qui sont considérés comme eux-mêmes indemnisables parce que le cadre était illégal. Mais jusqu'à présent, sauf de rares exceptions, les traitements eux-mêmes n'ont pas pu, au plan juridique, être attaqués en tant que tels et sanctionnés en tant que tels sur leurs effets néfastes. Alors, à partir du 1er janvier 2013, la question va se poser tout à fait différemment, parce qu'en cours d'adoption de la loi du 5 juillet 2011, il y a eu un amendement venant de Jean-René Le Serre, un sénateur UMP très fin juriste et également très répressif, d'ailleurs, qui a fait adopter sur nos demandes, les demandes conjointes, nos propres demandes, du GIA, du CRPA, du GIA ancien, et notamment sur des analyses venant de ma part et ou antécédemment de Philippe Bernardet et de juristes, sur des demandes du syndicat de la magistrature et de l'union syndicale des magistrats, également du syndicat des magistrats administratifs, qu'il y ait une unification du contentieux de l'internement psychiatrique, qui a été adopté à dater du 1er janvier 2013. À partir du 1er janvier 2013, le juge judiciaire sera compétent sur la globalité des dommages sur les pratiques psychiatriques. Donc le juge judiciaire pourra être aussi bien saisi de la demande de main levée que de la demande, dans une autre formation, le JLD est compétent sur les demandes de main levée, le juge judiciaire indemnitaire civil est compétent pour indemniser les dommages subis suite à un internement illégal, constater l'internement illégal, annuler cet internement et sanctionner les médicaments qui ont eu cours là-dedans. Il sera donc beaucoup plus aisé à partir du 1er janvier 2013 de demander à une formation juridique de constater l'illégalité et le caractère néfaste des médicaments. Cela étant, c'est pas si simple et ce n'est qu'un lent mouvement qui rend petit à petit possible la contestation des traitements psychiatriques. Nous sommes dans l'attente, sur le reste, nous sommes et nous restons dans l'attente de la légalisation en France qui jusque-là a toujours été refusée par les gouvernements successifs depuis 20 ans, des actions de groupe à l'américaine. Aux USA, vous pouvez, si une multitude de plaignants ont constaté que sur tel traitement, ça déconne, un cabinet d'avocats peut déclencher une action avec un plaignant, recruter d'autres plaignants et greffer plusieurs milliers de plaignants contre un laboratoire. C'est l'action de groupe. Eh bien, l'action de groupe n'est pas encore légalisée à ce jour en France et ne permet pas d'attaquer de façon carrée et nette des laboratoires. Je ne vous cache pas qu'il y a des laboratoires qui auraient bien besoin de se prendre des actions de groupe dans la figure, et je pense notamment aux effets secondaires du Zyprexa, du Risperdal Constat, de l'Allopéridol, le laboratoire qui, en effet, met en vente et met en circulation l'Allopéridol, pourrait rugueusement avoir besoin d'une action de groupe avec des milliers de plaignants, des milliers de témoignages et des milliers de certifications médicales attestant des ravages de ces médicaments. Mais les actions de groupe ne sont pas encore légales en France. Parce que cette loi, en fait, se fonde sur le fait quand même que le soin, notamment médicamenteux, est quelque chose, soi-disant, est pour le bien du patient, ou est quelque chose, est une solution, en fait. Alors que, bon, on constate quand même que bien souvent, c'est pas du tout une solution et qu'au contraire, ça fait plutôt des ravages, quoi. Je dois dire que sur cette question des médicaments, etc., il y a plusieurs écoles qui sont en lice. Il faut bien avoir conscience que, je pense que les médicaments peuvent être nécessaires à un certain moment donné pour des personnes précises, dans des phases précises. Mais que passer ces phases, il faut vraiment passer à autre chose. Parce que pour moi, je considère que ce n'est pas une solution que de garder des personnes dont on a constaté qu'elles ne sont pas bien, éternellement sous médicaments. Des sous-doses aussi, des dosages. Quoi. Des fois, il y a quand même des dosages qui sont clairement abusifs. Absolument. Moi, je pense que nous souffrons en France d'un défaut de pertinence des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui ne sont pas adéquates. Nous souffrons en France de la partialité de l'AFSAPS, l'ancienne AFSAPS qui vient d'être qualifiée, voire notamment le scandale du Mediator. Nous souffrons en France de ce que Zarifian avait en effet dénoncé dans les années 80 et 90, du fait que les médecins psychiatres et les médecins en général sont formés, leurs formations sont assurées par les laboratoires, elles sont financées par les laboratoires. Oui, absolument. Donc nous souffrons de cette idéologie de la prescription à tout prix. Nous souffrons du culte du médicament. Alors il est certain que nous avons quand même la chance que dans notre psychiatrie contemporaine ont été développées des optiques alternatives. Tout genre de courant, de la psychanalyse aux pratiques, tous les courants qui ont pu se faire jour. Mais nous souffrons d'un défaut de reconnaissance de ces modalités alternatives et du fait qu'elles ne sont pas très connues du grand public. Je vous prends un exemple. À l'heure actuelle, qui a mobilisé les gens du collectif des 39. Il ne faut pas oublier que ces derniers mois, vous avez une proposition de loi qui a été enregistrée à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, pour interdire l'usage de la psychanalyse dans le traitement de l'autisme. C'est-à-dire que vous avez quand même un début... Enfin, bon, il y a eu un changement de majorité. Enfin, le changement de majorité, on n'a pas encore législatif. Il y a eu un changement de président de la République. Donc, bon, on ne sait pas si les gens de l'UMP vont rester prévalents. Et les gens, plus précisément de la droite populaire, hein, de la droite de l'UMP. On y croit. Oui, ça dépend des options. Mais enfin, toujours est-il que vous avez eu un début d'attaque systématique, avec en plus renforcé par des recommandations de la Haute Autorité de Santé, un début d'attaque systématique contre les techniques psychanalytiques. Alors, bon, moi, personnellement, je suis assez réservé face aux techniques psychanalytiques. Bon, je crois qu'il y a de quoi avoir quelques critiques, mais j'apprécie pas tellement qu'on se mette à attaquer ce genre de techniques pour faire valoir la chimiothérapie. Ou pour faire valoir les thérapies du conditionnement, pur et simple. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France se livrent actuellement, tous ces temps-ci, des bagarres très importantes sur cette question des médicaments. Il faut rester très attentif. Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now. Seem much in the future.